الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 6 là, l'explication du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان du Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Et avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Aujourd'hui donc on commence avec la lecture du verset que le Cheikh Ibn Taymiyyah a cité parmi la série des versets avec lequel ou par lesquels il commence son livre de Al-Furqan. C'est des livres qui justement expliquent qui sont les awliya d'Allah, qui sont les awliya du shaytan et les caractéristiques de chacun. Les caractéristiques des awliya d'Allah et les caractéristiques des awliya du shaytan. Il dit wa qala ta'ala ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Donc ça c'est mashallah, hein, un verset qui est clair. Quiconque prend le shaitan comme wali, hein, comme protecteur, comme allié en dehors d'Allah, alors il a certes perdu d'une perte évidente et claire. C'est le verset 119 dans Sourate An-Nisa. Le Cheikh Al-Fawzan il explique ce verset, il dit ذكر الشيخ هذه الآية ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا الآية التي قبلها التي ذكرها الشيخ الآية التي قبلها التي ذكرها الشيخ بئس للظالمين بدلا وفي هذه أنه قد خسر خسرانا مبينا وهو يظن أنه يربح وأنه يكون دبلوماسيا دبلوماسيا وأنه يصلح مع الناس أو يصلح مع الناس وأنه لا يكون فيه خشونة قد يكون مندمجا مع الناس كما يقولون وهذه صفة المنافقين نحن لا نقول اعتدوا على الكفار اظلموا الكفار لا ما يجوز الظلم ولا الاعتداء ولا نقول لا تتعاهدوا مع الكفار ولا تصالحوا معهم أو تنتفعوا أو تبيعوا وتشتروا معهم في أمور الدنيا أو تحسنوا إلى من أحسن منكم إلي إلى من أحسن منهم إليكم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين بل نقول هذا كله ليس من الموالاة وإنما هو من تبادل المصالح ومن المكافأة على الإحسان و المؤمنون أوفياء بالعهود بالتعامل الطيب هذه صفة المؤمنين وليس هذا من الموالاة كما يظن بعض الجهال هذا ليس من الموالاة هذا من تبادل المصالح والمنافع ولا يدخل في أمور الدين. Le Cheikh il explique un point ici. Il dit que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et quiconque prend donc le shaitan comme protecteur en dehors d'Allah, alors il a certes perdu d'une perte évidente. Et dans le verset qu'il a cité auparavant, le verset précédent, c'était le verset dans Surat Al-Kahf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Quel mauvais échange qu'ont fait les injustes dans le fait d'avoir échangé la walaya, au lieu de prendre Allah pour allié, ils ont pris le shaitan pour allié. Et donc ça c'est la pire échange que quelqu'un peut faire. Et dans ce verset, il explique que celui qui prend le shaitan pour allié en dehors d'Allah ou au lieu d'Allah, eh bien, il a certes perdu d'une perte évidente. Et il dit, le cheikh, il pense qu'il est en train de gagner en faisant ça. Et qu'il agit avec diplomatie. Hein? C'est quoi la diplomatie? Hein, c'est le fait de vouloir plaire, de satisfaire tout le monde. Hein, ou bien d'essayer de satisfaire les gens, de leur faire plaisir, hein, le comportement que tu adoptes avec eux, pour pas froisser les gens, pour pas blesser les gens, pour pas déranger les gens dans leur croyance, dans leur position. Donc tu vas pas dire aux koufars, vous êtes des koufars, votre croyance est fausse, votre religion est contraire à la vérité, vous adorez en dehors d'Allah des idoles qui n'ont aucun pouvoir, qui ne peuvent rien faire, ni pour elles-mêmes, ni pour quelqu'un d'autre, qui ne peuvent ni nuire, ni profiter. Ils veulent pas qu'on leur dise la vérité de cette façon. Hein? Ils disent, il faut agir bien avec les gens, hein? Il faut pas être dur. Il est intégré avec les gens, s'intègre, hein? Il agit avec les gens, le vivre ensemble et ainsi de suite. Donc ça, le cheikh, il dit, c'est pour de vrai, ça, c'est l'attitude des hypocrites. Il dit, nous, on dit pas transgresser contre les koufars. Faites de l'injustice aux koufars. L'injustice, c'est interdit. La transgression, c'est interdit. On dit pas ça. Hein? Quand on dit aux gens, quand on dit aux musulmans, ne prenez pas les koufars pour alliés, détestez-les pour Allah, ne les aimez pas, hein, par rapport à leur kufr et leur shirk. Ça, le cheikh, il dit ça veut pas dire qu'on dit aux musulmans, faites de la transgression contre les koufars. Hein? Transgresser contre eux, faites-leur de l'injustice. Non, ça c'est pas permis. L'injustice c'est haram. La transgression c'est haram. Hein? Si quelqu'un, par exemple, un musulman, il va dans la rue, il voit des non-musulmans. Et puis il commence à les frapper ou à les blesser ou à les attaquer. Et il dit ça, c'est parce que moi j'applique al-wala ou al-bara. Allah il dit qu'on doit pas les aimer. On va dire non, toi t'as rien compris. C'est pas ça que ça signifie de détester les koufars. Détester les koufars, ça veut dire que tu les détestes, hein, par rapport à leur mécréance, et tu vas pas les aimer dans ton cœur par rapport à cette mécréance-là. Mais en même temps, ça veut pas dire que tu dois être injuste ou transgresser contre eux ou leur faire du tort. Hein. Et le cheikh, il dit, on ne dit pas aux gens, ne faites pas des ententes avec les koufars, ne faites pas des ententes de paix ou des trêves ou des pactes avec les koufars. Ne profitez pas des bonnes choses que les koufars peuvent vous donner. Ne vendez pas, n'achetez rien des choses de la dunya avec les koufars. Non, c'est pas ça ce qu'on dit. On dit pas non plus de ne pas être bon envers eux. Hein? Le cheikh il dit, on vous empêche pas d'être bon envers eux et d'agir bien avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça dans le verset 8, dans surat al-Mumtahana. Allah ne vous interdit pas, hein, d'être bon et d'être juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion, qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Hein? Donc, nous, le cheikh dit, nous, on dit, le fait d'interagir avec eux, de faire des ententes avec eux, de faire des trêves avec eux, de faire des pactes avec eux, de vendre et d'acheter, hein? Ça, le cheikh il dit ça fait pas partie de les prendre pour alliés. Hein? Ça ne fait pas partie de les prendre pour alliés dans le sens de les aimer et de les défendre et de les supporter. Ça fait partie plutôt d'échanger les choses bénéfiques, d'échanger les choses qui sont dans nos intérêts mutuels. Hein? Toi tu veux quelque chose. Il y a un juif qui vend quelque chose, toi t'en as besoin de cette chose. Hein? Alors tu lui donnes ton argent, il te donne la marchandise que tu as achetée. Tu veux un vêtement que tu veux acheter, tu as besoin d'un vêtement, tu as besoin d'une paire de chaussures, tu as besoin de quelque chose, tu lui donnes ton argent, il te donne la marchandise. Vous êtes d'accord sur le prix? Tu achètes, tu lui donnes l'argent, il te donne la marchandise. Ou bien le contraire, toi tu vends quelque chose et le juif il vient pour acheter chez toi. Tu vas dire non, je te vends pas, tu es un juif. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vendu à des juifs, il a acheté à des juifs, il a fait du commerce à des juifs, il a emprunté de l'argent à des juifs, hein? Il a fait des affaires avec des juifs, il a signé des pactes avec les juifs, la même chose avec les mouchriquins, les chrétiens, les idolâtres de Quraysh et autres, la même chose. Il a signé avec eux des contrats, des ententes, des pactes, hein? Donc, c'est pas interdit, et ça rentre pas dans al-mu'alat. Hein? Et le cheikh il dit wal mu'minun awfiya'un bil 'uhud. Les croyants respectent leurs ententes et leurs engagements et leurs contrats. Hein? Et ils agissent avec les kuffars avec un bon comportement. Ça, c'est la caractéristique des croyants. Et il dit que le fait d'acheter, de vendre, de faire des pactes, de faire des ententes, d'être bon envers eux, d'être juste avec eux, ça, il dit, ça ne fait pas partie de al-mu'alat. Ça ne fait pas partie de les prendre pour alliés, hein, comme le pensent certains ignorants. Ça n'a rien à voir avec al-mu'alat. Ça fait partie d'échanger des choses bénéfiques et des intérêts communs dans des choses de la dunya. Donc ça rentre même pas dans la religion. Hein? Et dans le sharh de Nawaqid al-Islam, on a fait le cours justement sur ce livre-là, Cheikh Al-Fawza, dans les annulatifs de l'islam, il explique hein, ce point-là en détail. Il donne des exemples de ça. Et dans d'autres de ses livres, il en a parlé aussi. Ensuite, il explique maintenant un autre verset. C'est le verset suivant qui est les versets que Cheikh Al-Islam a cités. Le verset 173 à 175 dans Surat Al-Imran. وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Le cheikh il a cité donc ces deux versets, verset 173, en fait il y a le verset 173, 174 et 175 qui sont que le cheikh il a mentionné. On va les lire ensemble dans Sourate Al-Imran. Donc, Cheikh Al-Islam, il cite ces trois versets. Le verset 173, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset ce qui signifie: certes, ceux auxquels l'on disait, les gens se sont réunis contre vous, craignez-les. Hein? Il faut avoir peur. Parce que les gens se sont tous rassemblés pour vous attaquer, hein, pour vous combattre. Alors ayez peur d'eux. Mais eux, au lieu d'avoir peur, ça augmente leur foi. Au lieu d'avoir peur, hein, ou bien plutôt au lieu de les décourager, ça, au contraire, ça leur raffermit dans leur foi, ça leur augmente leur foi. Et ils disent, Allah nous suffit. Et c'est notre meilleur garant. Hasbunallah. Allah nous suffit. Wa ni'mal wakil, c'est le meilleur des garants. Il ne va pas nous abandonner. On a confiance en Allah. Hein? Même s'ils sont un grand nombre, même s'ils sont nombreux, même s'ils se réunissent tous pour nous faire du tort, ils ne peuvent rien nous faire excepté ce que Allah a écrit. Hein? Ils ne peuvent nous faire aucun mal que ce que Allah a écrit. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Dit, rien ne peut nous atteindre excepté ce que Allah a écrit pour nous. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. Donc ils sont revenus donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha. Hein? Ils ont suivi ce qui a satisfait d'Allah. Ce qui a satisfait Allah, l'agrément d'Allah. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. Et le verset 175, c'est le diable qui vous fait peur par ses adhérents et par ses adeptes et par ses fidèles. C'est le diable qui essaie de vous faire peur par ses fidèles, par ses adeptes. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, si vous êtes croyants. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi. Ayez peur d'Allah. C'est d'Allah qu'il faut avoir peur, c'est pas des créatures. Hein? C'est pas du shaytan, c'est pas de ses alliés. Des fois, il y a des gens comme ça, des gens qui ont la foi, soit qui ont la foi faible ou qui sont parmi les munafiqines. Hein? Ils disent, tu vas avoir des problèmes. Hein? Si tu appelles au tawhid, tu expliques la religion, tu appelles à la sunna, tu vas avoir des problèmes. Hein? Les koufars, ils vont se réunir contre toi, ils vont te faire des problèmes. Hein? Et il y en a comme par exemple, quand si tu as appelé les gens à la sunna avec la sagesse et selon la méthode des ulama, et que tu as suivi l'exemple des prophètes sans transgresser et en suivant le bon comportement de l'islam, puis que les koufars à cause de ça, malgré tout, ils ont voulu te faire des problèmes, ils ont voulu te faire des histoires, et les médias t'ont fait des problèmes aussi, hein? Alors il y en a des gens parmi les gens de la passion, ou les gens parmi les munafiqines, ils viennent dire, je lui avais dit d'arrêter de parler, je lui avais dit de ne pas dire ça, hein? Regarde maintenant, qu'est-ce qui lui arrive, hein? Je lui avais dit de ne pas faire ça. Pourquoi tu dis je lui avais dit de ne pas faire ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un péché? Il a désobéi à Allah? Il a transgressé la sunna? Au contraire, ça fait partie des épreuves. Est-ce que tu vas dire au prophète, à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu des problèmes avec les mouchriquines, oh, il n'aurait pas dû appeler au tawhid, il n'aurait pas dû, hein, contredire les mouchriquines, il n'aurait pas dû critiquer les idoles, il n'aurait pas dû, hein? Non, jamais. Celui qui dit ça, c'est un égaré, hein? Celui qui dit ça, il n'a rien compris de l'islam. Il y a des épreuves, c'est normal. Celui qui appelle à la vérité, il va être éprouvé dans sa religion. Et quand on va se réunir contre lui, l'attitude des croyants, c'est de dire quoi? C'est de dire, hasbunallah wa ni'mal wakil. Laissez-les venir, laissez-les parler, laissez-les faire. Hein? Moi, j'ai confiance en Allah. Et Allah, il va me protéger, hein, contre le mal de ces gens-là. Du moment que je suis dans les limites de la charia, que j'ai pas exagéré, que j'ai pas transgressé la limite, que j'ai pas agi sans sagesse, pas comme les hizbiyins et les gens de bid'a et les khawarij qui font n'importe quoi et qui agissent sans sagesse et qui cherchent des ennuis, hein, qui font des actes qui sont répréhensibles en islam et contraires à la religion, puis qui après se plaignent d'avoir des problèmes et des ennuis. Non, il y a une différence entre la personne qui appelle à la sunna selon la sunna et qui a des ennuis parce qu'il a été sur la vérité, et celui qui cherche les ennuis et qui a eu des ennuis parce qu'il a transgressé la sunna et contredit la sagesse et la voix. Et après il dit, les koufars ils m'ont donné des problèmes. Ouais, c'est normal, tu as contredit la sunna, tu as contredit l'islam. Hein? Comme les khawarij. Khawarij, ils n'ont pas de sagesse, ils n'ont pas de compréhension de la religion. Hein? Ils font des actes de terrorisme et des actes répréhensibles en islam, puis après ils pensent que ça c'est, hein, correct, puis après quand ils ont des ennuis, eh bien ils pensent que ça c'est les épreuves. Non, ça c'est des punitions pour vous. Comme les gens de Bid'a par exemple, qui ont été enfermés, hein, arrêtés et emprisonnés. Comme par exemple les Hizbiyins en Arabie Saoudite, ils font la fitna, ils parlent contre le gouverneur, contre le roi, hein, et contre le gouvernement publiquement, et ils font la fitna. Puis après, quand ils se font arrêter et mettre en prison, après les Hizbiyins ils disent, oh regardez l'Arabie Saoudite, ils mettent tous les savants en prison. C'est pas des savants ça, c'est des Hizbiyins, c'est des gens de bid'a, c'est des khawarij, hein, takfiriyin. Yani, les ulama, ils parlent ouvertement, ils clarifient la religion d'Allah. Jamais on les a arrêtés. Hein? Regardez, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Abdul Aziz Al-Sheikh, hein? Et tous les autres machaykhs, Cheikh Abdul Muhsin, Cheikh Rabi', Cheikh Ubaid, hein? Ouais, ben, les takfiris, les gens de bid'a, ils vont dire, c'est les savants du pouvoir, parce que c'est leur problème, parce qu'ils ont un problème avec le manhaj des salafs. C'est ça. Mais quand eux, ils ont des ennuis, ils disent, ah, regardez, le gouvernement, il est pas bon. Et nous, on a des ennuis, on est comme l'imam Ahmad. Vous n'êtes pas comme l'imam Ahmad. L'imam Ahmad, il a été emprisonné parce qu'il a défendu la sunna et la voix des salafs et affirmé la parole d'Allah et les attributs d'Allah par rapport au Mu'tazila qui voulait imposer aux gens le fait de nier les attributs d'Allah. Hein? Tandis que vous, vous êtes emprisonné, vous avez des problèmes parce que vous critiquez les dirigeants et vous appelez à se révolter contre eux, et ça c'est contraire à la voix des salafs. Et les salafs ont critiqué ça et ont condamné ça. Et même l'imam Ahmad, quand les gens sont venus le voir pour lui demander est-ce qu'on doit se révolter contre les dirigeants, ils appellent à des croyances de kufr, ils appellent à nier la parole d'Allah et à nier ses attributs, et ça c'est kufr. Est-ce qu'on ne doit pas les combattre? L'imam Ahmad, il a dit Ad-dima, ad-dima. Dit non. Écoutez et obéissez. Faites pas couler le sang des innocents. Faites pas la fitna. Hein? Donc il a jamais retiré sa main de l'obéissance de l'autorité des dirigeants, malgré leur injustice et malgré leur bid'ah et malgré leur torture, la torture qu'il a subie, l'emprisonnement qu'il a subi pendant des années. Il a été patient. Et c'est comme ça que la sunna nous ordonne. C'est pour ça qu'il est devenu l'imam de Ahlus Sunna. Hein? Donc pour revenir au verset, le Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit « هذه الآيات من سورة آل عمران التي ذكر الله فيها قصة غزوة أحد مفصلة وجاءت هذه الآيات في آخرها تبين أولياء الله وأولياء الشيطان فأولياء الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ثم ذكر أولياء الشيطان فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وذلك أنه لما حصلت الوقعة عند أحد وحصل على المسلمين ما حصل من القرح واستشهد منهم العدد الكثير وجرح منهم العدد الكثير وذلك بسبب مخالفة وقعت من بعدهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلما حصلت منهم المخالفة عمت العقوبة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نظم المسلمين وجعل ظهورهم إلى الجبل وجعل على الجبل رماة يدفعون عن ظهور المسلمين ولذلك يسمى بجبل الرماة فامتثلوا وأمسكوا الجبل ولم يحصل للمشركين فرصة أن يأتوا المسلمين من خلفهم فتفرغ المسلمون للقتال وفتكوا بالعدو وكاد العدو أن ينهزم فشرع المسلمون في جمع الغنائم فلما رأى بعض الرماة الذين على الجبل أن المسلمين انتصروا أنهم شرعوا يعني يجمعون الغنائم ظنوا أن المعركة قد انتهت فقالوا ننزل مع إخواننا نعينهم على جمع الغنائم فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا ذكرهم بذلك ولكنهم أصروا على النزول فنزل بعضهم وثبت بعضهم ومنهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه ثبت حتى جاء المشركون من الخلف ورأوا أن الجبل قد خف الرماة الذين هم عليه فتقاتلوا معهم حتى قتلوا بقية الرماة ثم انقضوا على المسلمين من الخلف والمسلمون لم يشعروا إلا وقد أحاط بهم المشركون من الأمام ومن الخلف فحصلت النكبة بسبب مخالفتهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc on va expliquer cette partie qu'on vient de lire. C'est le cheikh dit que dans ces versets qu'on a lus à propos de Surat Al-Imran, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'histoire de la bataille de Uhud en détail. Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh dit, dans ces versets, on voit qu'à la fin, il mentionne la différence entre il clarifie les awliya d'Allah et les awliya du shaytan, les alliés d'Allah et les alliés du shaytan. Et il dit donc qu'à propos des awliya d'Allah, il dit ceux qui, lorsque les gens leur disent, essaient de les décourager en leur disant, ils se sont réunis contre vous, alors ayez peur d'eux, craignez-les. Et ça, au lieu de les décourager, ça les encourage encore plus, ça augmente leur foi, et ils disent, Allah nous suffit, et il est le meilleur garant. Alors, ils reviennent à cause de ça avec une grâce de la part d'Allah, une grâce de la part d'Allah, et un grand mérite, et aucun mal ne les a touchés, et ils ont suivi qu'est-ce qui amène l'agrément d'Allah. Et Allah est le détenteur d'une grâce immense. Il dit ensuite, puis il mentionne les awliyas du shaitan, les alliés du diable. Et il dit, ce n'est que le shaitan qui essaie de vous faire peur par ses fidèles et ses adeptes et ses alliés. Alors ne les craignez pas, mais craignez-moi si vous êtes croyants. Il dit, ça c'est arrivé lors de la bataille de Uhud. Il dit que dans la bataille de Uhud, les musulmans ont eu une défaite. Ils ont été blessés. Beaucoup d'entre eux ont été tués et ils sont morts martyrs. Et d'autres ont été blessés. Un grand nombre ont été blessés. Et il dit tout ça à cause d'une contradiction qu'ils ont fait en contredisant l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que certains d'entre eux avaient désobéi à l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque cette désobéissance s'est produite de la part de certains d'entre eux, Allah les a punis de façon générale, à cause du péché d'un petit groupe parmi eux. Allah les a punis tous ensemble. Et il explique le contexte de ce qui s'était produit. C'est qu'en réalité, il y avait une organisation de l'armée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait bien stratégiquement placé les combattants sur le terrain. Et vous connaissez probablement la montagne de Uhud. On va dire que ça c'est la montagne de Uhud. Et ici, juste à côté, il y a une petite montagne juste à côté de Uhud. Uhud là c'est immense là. Il faut voir une chaîne de montagnes. Puis juste à côté, une petite montagne ici, là, c'est pas une grosse montagne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé d'une manière à ce qu'il soit autour de cette montagne pour pas que les mouchriquins puissent les attaquer par derrière. Il a placé des archers sur la montagne ici. Alors, ils étaient tous ici sur cette montagne-là. Donc, si les mouchriquins veulent passer par ici, ils vont se faire tirer. Et s'ils passent par ici, tout autour, ils sont visés, entourés par les archers. Ils ne peuvent pas contourner, passer par derrière. Donc, on va dire que les mouchriquins, eux, ils sont ici. Et les musulmans, ils sont ici. Donc, quand les mouchikines approchent comme ça, ils ne peuvent pas passer par derrière. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Et c'est là qu'il y a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la bataille, sallallahu alayhi wa sallam, avant la bataille, il les a placés à cet endroit-là. Et il leur a dit, peu importe le déroulement de la bataille, peu importe le déroulement de la bataille, ne bougez pas de cette place. Il dit, même si vous voyez les oiseaux qui nous mangent là, et qu'on est, même si on gagne ou même si on perd, bougez pas de là, restez à cette place. Il a dit aux archers. Et il a mis à la tête des archers un des compagnons qui s'appelle Abdullah ibn Jubayr. Et c'était lui le chef de ce groupe-là. Donc, les musulmans ont commencé la bataille contre les mouchriquins. Et les musulmans ont commencé à avoir la victoire déjà. Après, même juste après avoir commencé la bataille, et déjà les musulmans commençaient déjà à avoir le dessus. Et les ennemis commençaient déjà à fuir, tellement que les musulmans avaient bien combattu. Et donc, à ce moment-là, les musulmans ont commencé à ramasser les butins que les mouchriquins avaient abandonnés sur le terrain de bataille. Donc, à ramasser les restes des armes et des choses que les mouchriquins ont laissées par terre. Et ceux qui étaient sur la colline, sur la colline à côté, avec les archers, quand ils ont vu leurs frères en train de ramasser le butin, certains d'entre eux ont dit, allons les aider pour ramasser le butin. Et Abdullah ibn Jubayr, qui était leur chef, a dit, souvenez-vous de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a dit, ne laissez pas votre position sur la colline, peu importe qu'est-ce qui arrive, qu'on soit gagnant ou qu'on soit perdant, restez à cet endroit-là. Mais certains ont insisté et ont décidé malgré tout de descendre. Alors certains sont partis et d'autres sont restés, sauf que leur nombre, étant donné que maintenant leur nombre était beaucoup moins important, alors les mouchriquins ont passé par derrière et les musulmans se sont retrouvés encerclés. Et le petit nombre d'archers qui restaient sur la montagne, c'était plus suffisant. Et les autres ont été tués. Les autres ont été battus. Donc les mouchriquins ont réussi à faire le tour, puis maintenant les musulmans étaient encerclés par devant et par derrière. Et c'est là que le tournant de la bataille a commencé à changer de côté, si on veut, et au lieu que ce soit les musulmans qui avaient le dessus, eh bien, c'est eux qui ont eu le plus de pertes à cause de ça. Et tout ça, le cheikh dit, à la base, c'est à cause d'un péché, une désobéissance du messager de la part de certains d'entre ceux qui ont désobéi à l'ordre du messager à ce moment-là. Donc, le cheikh, il dit, donc c'est ça. Les musulmans ne se sont même pas rendus compte, mais au début ils réalisaient pas qu'est-ce qui s'était passé. Mais c'est lorsque ils ont vu qu'ils étaient encerclés, qu'il y avait des mouchriquins qui commençaient à les frapper par derrière, et bien là ils ont été vraiment déstabilisés, et c'est là que la défaite a commencé à cause de ça. Et tout ça à cause d'avoir contredit l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit ensuite, وَلِهَذَا قَالْ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. أي أنتم السبب. وقبل هذا يقول وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إذ تحسونهم يعني تقتلونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين بشرهم الله بأنه عفى عما حصل منهم من المخالفة ليطمنهم وبعد ذلك انتهت المعركة وانصرف المسلمون ودفنوا شهداءهم في محل المعركة في مقبرة الشهداء التي عند أحد وحملوا جرحاهم وعادوا إلى المدينة وقفل المشركون إلى مكة ثم إن المشركين تلاوموا وقالوا كيف نترك بقيتهم لماذا لا نرجع ونستأصل بقيتهم فأرسلوا مندوبا منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أننا سنعود إليكم ونستأصل بقيتكم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من حضر المعركة من الأصحاء والجرحى أن لا يتخلف أحد فنهضوا رضي الله عنهم بجروحهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر أن لا يخرج إلا من حضر الوقعة فخرجوا بجروحهم رضي الله عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وساروا في إثر المشركين ثم نزلوا منزلا يقال له حمراء الأسد نزلوا منزلا فلما بلغ المشركين أن المسلمين خرجوا في إثرهم أصابهم الرعب وقالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة فهزمهم الله ولم يرجعوا إلى المسلمين بل أصابهم الرعب ومضوا في طريقهم إلى مكة وكفى الله المؤمنين شرهم. Donc on va traduire ça maintenant. Le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit par la suite dans sourate Al-Ma'ida sourate Al-Imran le verset 165 il dit quoi quand un malheur vous atteint mais vous avez déjà infligé le double à votre ennemi et quand un malheur vous atteint alors que vous avez déjà affligé à votre ennemi le double, vous dites, d'où vient cela? D'où vient cette défaite? D'où vient ce mal? Répondez-leur, il vient de vous-même, de votre péché, de votre désobéissance. Certes, Allah est omnipotent. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que cette défaite, c'est à cause de votre désobéissance, de votre péché. Vous êtes la cause, vous en êtes la cause. Puis il dit, avant cela, le verset 152, donc il cite avant ça le verset 152, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, et certes Allah a tenu sa promesse envers vous, quand par sa permission, vous les tuiez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné et vous avez désobéi après qu'il vous ait eu montré la victoire que vous aimez. Donc il vous a montré la victoire puis après vous avez fléchi, vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné et vous avez désobéi après avoir vu ce que vous aimez. Il en était parmi vous qui désirait la vie d'ici-bas, et il en était parmi vous qui désirait l'au-delà. Puis, il vous a fait reculer devant eux, afin de vous éprouver. Et certes, il vous a pardonné. Donc Allah les a pardonnés, malgré ça. Et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. Ça, c'était la bataille de Uhud, c'était la bataille qui a eu lieu après la bataille de Badr. La bataille de Badr, c'était une victoire. Donc les croyants étaient contents. Et là, la bataille de Uhud, au début, ils ont eu la victoire, puis il y a eu la désobéissance, puis après, il y a eu la victoire, la défaite. Donc, Est-ce qu'il y a une sagesse dans la défaite? Oui, il y a une sagesse. Parce que dans la défaite, il y a beaucoup de leçons pour les croyants. Il y a autant de leçons dans la défaite que dans la victoire. Et peut-être même plus de leçons dans la défaite que dans la victoire. Hein? Donc, c'est une façon de les éduquer. Que Allah subhanahu wa ta'ala les a éduqués par cet événement-là, par cette expérience-là. Pour leur faire comprendre que c'est lui qui donne la victoire. Hein? Et qu'ils doivent obéir aux messagers. Et qu'ils doivent respecter les ordres d'Allah pour être victorieux. Et que sans l'obéissance d'Allah, on n'a pas de victoire. Donc ce n'est pas la force seulement, comme certains qui pensent que tout est dans la force militaire, et dans les armes, et dans le nombre. Hein? Et ils pensent que ça c'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Même la plus grande armée, la plus forte, la mieux armée, s'ils n'ont pas le moral et la foi et la détermination et la confiance en Allah, ils ne peuvent pas gagner. Hein? C'est Allah qui donne la victoire. Et le cheikh il explique ensuite, il dit Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la bonne nouvelle qu'il leur avait pardonné ce qu'ils avaient fait comme contradiction à la religion. Hein? Il les a pardonné de ça. Et après que la bataille fut finie, ils se sont retournés, ils ont enterré les martyrs, ceux qui sont morts dans cette bataille, ils les ont enterrés à l'endroit où la bataille a eu lieu, et c'est l'endroit où il y a le cimetière des martyrs de Uhud. Et encore aujourd'hui, si vous allez à Al-Madina, quand vous allez visiter Médine, vous allez visiter l'endroit où les shuhada ont été enterrés pour faire des du'as pour eux. Vous voyez encore le cimetière, il est présent là-bas. Et les autres, parmi les autres qui étaient blessés, ils les ont ramenés à Médine. Et les kuffars, eux, sont partis pour retourner à Mecca. Mais entre eux, ils se sont blâmés les uns les autres parmi les mouchriquins, ils se sont blâmés les uns les autres en disant « Mais pourquoi on a laissé les autres? Pourquoi on ne les a pas tous éliminés complètement hein? ?» Et il dit « Pourquoi on ne retournerait pas pour les achever hein, et en finir complètement avec les musulmans ?» Alors ils ont envoyé un délégué parmi eux au messager d'Allah pour leur dire que hein, pour leur dire « On va revenir ». Hein, on va revenir s'occuper de vous et vous achever complètement. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Le lendemain, il a réuni tous les gens qui ont participé à la bataille, tous les blessés, tous les gens qui étaient présents à la bataille. Hein, le lendemain de la bataille, imaginez. Aujourd'hui là, tu vas aller faire un peu d'exercice, un peu de sport. Le lendemain, tout ton corps te fait mal, hein. Tu peux plus bouger tes muscles et tout, partout ça fait mal. Imaginez le lendemain d'une bataille. Peut-être que t'as un coup d'épée sur ton bras ou sur ta jambe, ou bien peut-être une flèche qui t'a frappé dans ton bras ou dans, hein, quelque part sur dans ton ventre ou quoi, hein. On t'a donné un coup sur la tête, t'as des blessures partout, hein? Et ben avec tes bandages et tout. Et le prophète, le lendemain, il dit, tous ceux qui ont participé à la bataille et personne d'autre que eux, on part à leur suite, on s'en va les rattraper. Alors le prophète est parti derrière eux, hein. Et il est parti à leur chasse et il est arrivé à un endroit qui s'appelle Hamra al-Asad. Et il les a attendus. Il a dit, on est là, on est venu pour vous. Vous voulez en finir avec nous? Venez maintenant. On est venu pour vous. Le lendemain de la bataille de Uhud, le lendemain de la défaite. Et lorsque les mouchriquins ont entendu que les musulmans sont sortis à leur poursuite, hein, ils ont été pris d'effroi, ils ont été effrayés, ils ont dit oh, s'ils sont venus derrière nous de cette manière, hein, après, le lendemain de la défaite, ça veut dire qu'ils ont quand même encore de la force, hein. Alors ils ont eu peur et ils n'ont pas voulu revenir, hein. Ils n'ont pas voulu revenir ce jour-là, ils sont repartis, hein. Bien entendu, par la suite, plus tard, ils sont revenus. Il y a eu d'autres batailles qui ont eu lieu par la suite, mais à ce moment-là, ils ont vraiment eu peur de revenir pour les combattre, parce que les musulmans ont montré leur détermination et leur fermeté. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala donc a fait que les musulmans soient préservés de leur mal à ce moment-là. Puis il dit "Walakin madha ba'da hadha?" Hein? "Walakin ba'da madha? Ba'da al-imtihan." وبعد إظهار القوة والإيمان. Donc cette effroi et cette peur que Allah a mis dans le cœur des mouchriquins, c'était après quoi? C'était après l'épreuve et le test que Allah leur a fait subir, et après avoir montré la fermeté et la foi. الذين قال لهم الناس أي مندوب المشركين إن الناس قد جمعوا. إِنَّ النَّاسِ يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ إِنِّي قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ يُرِيدُونَ الرُّجُوعَ وَهُمْ عَلَى أَثْرِ الْمَعْرَكَةِ وَفِيهِمُ الدِّمَاءُ وَالْجُرُوحُ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا مَا تَضَعْضَعُوا وَمَا جَبَنُوا زَادَهُمْ ذَلِكَ قُوَّةً لِأَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهَؤُلَاءِ هُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ أي الله كافينا ونعم الوكيل الموكول إليه أمرنا فلم يتضعضعوا من التهديد ولم يخافوا من المشركين لقوة إيمانهم حسبنا الله ونعم الوكيل هذا ما قالوا. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il dit, lorsque les gens, hein, l'envoyé, hein, le délégué parmi les mouchriquins, celui qui avait été envoyé après la bataille pour dire aux musulmans, on va revenir pour vous, on va venir s'occuper de vous, hein, donc c'est ça, celui qui dit aux gens, lorsque les gens leur disent, hein, les gens se sont réunis pour vous, c'est le délégué des mouchriquins qui est venu pour leur dire, on va revenir pour vous. Et c'est-à-dire, qui va revenir? Les gens, c'est-à-dire les mouchriquins, ils se sont réunis contre vous, ils vont revenir pour vous attaquer encore une fois. Donc, ça c'est le lendemain, ça c'est à la suite d'une bataille dans laquelle il y a eu, hein, des blessés, et beaucoup de sang, et beaucoup de morts. Donc ils pensent que là ça y est, ils ont réussi à ébranler les musulmans et à leur faire peur. Hein, ils pensent qu'ils ont vengé leur mort de Badr. Donc là ça y est, ils pensent que maintenant ils vont être capables d'éliminer les musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit fazadahum imana. Ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas été ébranlés. Au contraire, ça a augmenté leur force. Ça a augmenté leur force parce qu'ils sont des croyants. Ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont eux les alliés d'Allah. Alors, cela a augmenté leur foi et ils ont dit « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Hein? Ils ont dit « Allah nous suffit et c'est le meilleur garant. » Allah nous suffit wa ni'mal wakil, celui qui gère nos affaires et qui s'occupe de nous. Donc, s'il s'occupe de nos affaires, il est notre garant. Pourquoi on va s'inquiéter? Pourquoi on va avoir peur? Non. Ça augmente leur foi. Ils n'ont pas eu peur de ces menaces. Hein? Ils n'ont pas eu peur des mouchriquins à cause de la force de leur foi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadha ma qalu. Voilà ce qu'ils ont dit. Allah nous suffit, c'est le meilleur garant. Il dit wa kharaju bi amri rasul sallallahu alayhi wa sallam. حسبنا الله ونعم الوكيل قال الله عز وجل فانقلبوا يعني رجعوا سالمين بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء يعني نتيجة ماذا؟ نتيجة الإيمان والصبر وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هذه النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى والله ذو فضل عظيم حيث من عليهم بالأجر والسلامة وأمدهم بالقوة في خروجهم فلم يتضعضعوا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وقال ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقال حسبنا الله ونعم الوكيل قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فكانت النتيجة أنهم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء هذه هي النتيجة وهؤلاء هم أولياء الله دائما وأبدا يكون الله معهم ثم ذكر أولياء الشيطان. Donc le cheikh il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم donc est sorti avec les sahaba le lendemain. Ils sont tous partis avec l'ordre du messager et ils ont dit Allah est notre Allah nous suffit et c'est le meilleur garant. Et ils sont donc revenus sans que rien ne leur arrive. Ils sont partis. Le lendemain, ils ont été à la poursuite des mouchriquins. Ils ont eu confiance en Allah, ils n'ont pas eu peur. Et ils sont revenus sains et saufs. Il n'y a rien qui leur est arrivé. Ils n'ont pas été touchés par aucun mal. Et le résultat de ça, c'est à cause de leur foi et de leur endurance et de leur patience. Parce qu'ils ont dit, Allah nous suffit et c'est le meilleur garant. Et c'est ça le résultat. Donc ils sont revenus avec une grâce venant d'Allah. Et un grand mérite, aucun mal ne les a touchés parce qu'ils ont suivi l'agrément d'Allah. Donc ceux-là sont les alliés d'Allah, sont les awliyas d'Allah, les serviteurs que Allah aime et qui sont rapprochés de lui. Et Allah est le détenteur d'une grâce immense du fait qu'il leur a donné la faveur de la récompense et il les a également épargnés de tout mal et il leur a en plus donné de la force dans leur sortie et ils n'ont pas été ébranlés. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Donc ils sont revenus avec une grâce venant d'Allah. Ils n'ont pas été touchés par aucun mal. Ils ont suivi l'agrément d'Allah. Et Allah est le détenteur d'une grâce immense. Et Ibn Abbas il a expliqué ce verset-là en disant que Allah nous suffit et c'est le meilleur garant a été dit par Ibrahim lorsqu'il a été jeté dans le feu. Lorsqu'il a détruit les idoles des mouchriquins. Ils ont voulu se venger de lui. Ils ont voulu le jeter dans le feu. Et il a dit « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Allah me suffit et c'est le meilleur garant. Et qu'est-ce qui est arrivé comme résultat? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous avons dit, au feu, il ordonne, Allah a ordonné au feu, soit frais et soit doux pour Ibrahim. Bardan wa salaman. Soit doux et soit, comment on peut dire salam? Oui, quelque chose dans ce sens-là, mais je vais regarder dans Sourate Al-Anbiya, le verset 69. Wakuni bardan wa salaman. Soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Bardan wa salama. Bon, on peut pas traduire des fois certaines choses là, ils peuvent pas traduire. Donc c'est ça. Et il dit wa qalaha Muhammad. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit également lorsque les mushrikoun ont dit les gens se sont réunis contre vous, alors craignez-les et cela a augmenté leur foi. Ils ont dit Allah nous suffit et c'est le meilleur garant. Et donc le résultat c'est qu'ils sont revenus avec une grâce de la part d'Allah et ils n'ont été touchés par aucun mal. Et le résultat de ça c'est à cause d'eux, yani du fait qu'ils ont eu confiance en Allah, ils n'ont pas eu peur. Et ceux-là sont les alliés d'Allah. Donc c'est eux qui sont alliés d'Allah et c'est eux que Allah est toujours avec eux. Ceux que Allah est toujours avec eux. Et il mentionne ensuite les alliés du shaitan dans le verset suivant. وقال إن ذلكم الشيطان أي هذه الشائعة التي سمعتم وهذا الكلام وهذا التهديد إنما هو من الشيطان يخوف أولياءه وفيها وجهان وفيها وجهان الأول يخوف أولياءه المفعول الأول محذوف تقديره يخوفكم أولياءه يخوفكم أيها المسلمون أولياءه من الكفار والمشركين والوجه الثاني يخوف أولياءه يعني يخوف ضعف الإيمان من المنافقين الذين هم أولياء الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وهذا نهي من الله سبحانه وتعالى أن يخاف أولياءه أن يخاف أولياءه أولياء الشيطان الله عز وجل قال فانقلبوا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني وخافوني مخففة أصلها وخافوني وخافون وخافون مخففة وأصلها وخافوني بالياء فحذفت الياء تخفيفا وخافوني إن كنتم مؤمنين فالمؤمن الحقيقي لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى مهما هدد ومهما فعل فإنه لا يخاف إلا الله يعني قلبه معلق بالله عز وجل وخافوني إن كنتم مؤمنين فالمؤمن لا يخاف إلا الله لا ولا يخاف غير الله سبحانه وتعالى فهذه الآيات فيها بيان صفات أولياء الرحمن وأولياء الشيطان donc la suite dans la suite du verset Allah subhanahu wa ta'ala explique qui sont les alliés du diable les alliés du shaitan et il dit إنما ذلكم الشيطان donc ces rumeurs ou cette menace que vous avez entendue de la part du délégué des mouchriquins qui est venu pour vous dire les gens on va se réunir contre vous on va vous attaquer ça c'est en réalité ça vient du shaitan c'est le shaitan qui vous fait cette menace par ses alliés et il dit par ses alliés il y a deux lectures de ce verset là ou deux compréhensions de ce verset là La première, c'est yukhawwifu awliya'ahu, yani il effraie de ses alliés. Il dit que le maf'oul, le premier maf'oul, il est mahzouf. Le premier objet est, il n'est pas mentionné, mais qu'est-ce qui est sous-entendu, c'est yukhawwifukum awliya'ahu. Yukhawwifukum awliya'ahu. C'est-à-dire, ses alliés vous font peur. C'est-à-dire, les alliés du shaitan vous font peur. Ils essaient de vous faire peur. Et donc, ses alliés, les alliés du shaitan, ce sont qui? Ce sont les kuffars et les mushrikines. Et dans la deuxième lecture de ce verset, yukhawwifu awliya'ahu, c'est-à-dire que le shaitan effraie ses alliés, c'est-à-dire ceux qui ont la foi faible parmi les hypocrites. Parmi les hypocrites. Et donc, eux, ils sont les alliés du shaitan, les hypocrites, les munafiqoun. Donc, eux, ils ont peur. Quand les koufars leur font des menaces, ils ont peur de ça. Et donc, tandis que les croyants, ils n'ont pas peur. Allah subhanahu wa ta'ala interdit, il interdit à ses alliés d'avoir peur des alliés du shaitan. Et il dit, dans le verset qu'on a lu précédemment hier, le verset 76 dans Surat An-Nisa, il dit « Et combattez les alliés du shaytan, certes la ruse du shaytan ou le complot du shaytan est faible. » Et dans ce verset-ci, il dit « Il vous fait peur de ses alliés. » C'est le diable qui essaie de vous faire peur de ses alliés. « Alors ne les craignez pas, mais craignez-moi. » Et le cheikh, il explique pourquoi le « ya » il n'est pas mentionné ici. C'est « tarfifan ». On ne va pas rentrer dans les détails de ça. Mais il dit que Allah il dit « Craignez-moi, hein, ne les craignez pas eux, craignez pas les alliés du shaytan, mais craignez-moi seulement. » Donc le vrai croyant, il ne doit pas avoir peur excepté d'Allah. Peu importe comment il est menacé, peu importe qu'est-ce qu'on lui fait, c'est d'Allah seul qu'il doit avoir peur et de personne d'autre que Allah. Son cœur est rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit « Wa khafuni in kuntum mu'minin » et « Craignez-moi si vous êtes réellement des croyants. » Donc le croyant, il ne doit craindre personne d'autre que Allah. Hein? Il n'a pas le droit d'avoir peur de autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans ces versets, il y a encore une fois « Wa alaykum salam wa rahmatullah » Il y a encore une fois dans ces versets la description des caractéristiques des alliés d'Ar-Rahman et des alliés du Shaytan. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.